Ce matin-là, Albe vient voir Melchior au bord de la crise. Il prenait son café sur la terrasse de l'entrée principale, empreint d'une nonchalance traîtresse. Il ne la regarda pas tout de suite, à moitié pour gagner du temps, à moitié pour fuir le tableau délabrant qu'il devinait. Albe devait avoir un visage vieilli, les cheveux défaits, le teint terreux. La souffrance se lisait toujours sur elle, à livre ouvert. Comme si un diable s'amusait à imprimer ses angoisses sur son corps, à contrefaire son apparence jusqu'à une insoutenable caricature. « Melchior, » balbutia Albe, « Melchior. » Il y avait tant de désespérance et de supplication dans sa voix que Melchior se demanda ce qui se passerait s'il lui refusait le soutien qu'elle venait d'implorer. Il continua donc à boire son café, exactement comme si elle n'était pas derrière lui, sadique et froid comme l'univers entier qui se liguait contre elle. Il ne put voir la panique s'emparer d'elle, mais il entendit son cri, un cri animal et terrible, qui ressemblait étrangement au braillement d'un nouveau-né dont les poumons sont brûlés par le premier souffle de l'air du monde. Il s'assura ensuite qu'une prostration tétanique succédait bien au paroxysme qu'il avait provoqué, puis il se racla la gorge et appela Gauthier, d'une voix étranglée par l'urgence. Ce dernier s'empressa, avec une délectation malsaine, et trouva à l'entrée du palais une scène tragique. Albe, dont l'immobilité était parfois secouée de contractions violentes, gisait par terre, les yeux révulsés, un filet de bave épais s'écoulant de ses lèvres. « Je ne sais plus quoi faire, » bredouilla Melchior. « J'ai voulu commander des médicaments, mais je ne dois pas être en état de passer la commande. Regardez. » Melchior attrapa avec une adroite maladresse l'ordinateur qui était sur la table. Il composa son code ostensiblement devant Gauthier et le laissa naviguer dans les services télématiques, certain qu'il ne trouvera pas ce qu'il lui demandait de chercher. Gauthier s'exécuta avec célérité, jetant de fréquents coups d'œil vers le personnage écroulé à côté de lui. Il confirma que Melchior n'avait pas accès directement à la commande neuroleptique, puis dans un déferlement paternel et attendu, il se répandit en réflexion pratique. La situation était une véritable urgence. Melchior savait-il que ces crises pouvaient être mortelles ? Gauthier connaissait bien le problème puisque, Melchior l'avait-il deviné, Nils n'allait pas très bien non plus. C'était un bonheur dans le malheur, car Gauthier avait justement chez lui de quoi calmer la crise, mais il fallait faire plus. La procédure de commande extraordinaire était trop longue, et Melchior n'avait pas le temps de la remplir avant le bateau de la semaine prochaine. Gauthier le pourvoirait en cachet jusque-là et même, mais oui, il commanderait le double de médicaments dans sa propre commande, si cela était possible. Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Albe n'était pas bien lourde, la villa n'était pas loin. Comme ça, Clara pourrait s'occuper d'elle et il pourrait arranger ça dans la matinée. Melchior était éperdu de reconnaissance, de sueur, de soulagement. Il suivit Gauthier comme un petit chien jusque chez lui. Sa tension réelle, au moment où Gauthier l'emmena dans son bureau, fut même noyée dans un flot de fausse gratitude. 79 AZ Guthr. Melchior, vous êtes tout pâle. Tout va bien, mon garçon, vous aurez les cachets. 79 AZ Guthr. Gauthier, dit-il avec un franc sourire, je savais que je pouvais compter sur vous.